Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée et non, n'ajustez pas votre appareil ni ne tournez votre bouton de radio. Ce n'est pas JB qui est avec vous cette semaine, c'est plutôt Daniel qui va se charger de l'animation de ce show. JB est, je sais pas, on pourrait dire divisé dans une coupe de boîte chez lui sûrement. En morceaux, et non, ce n'est pas parce qu'il a rencontré son ami JSP. Non, donc, c'est Monsieur Patate, pour les gens qui le savent pas, il peut se défaire en morceaux, comme ça, changer des pièces. C'est ça, puis il change de look une fois de temps en temps. Oui, pas assez souvent, mais ça arrive. Vous avez reconnu mon comparse de cette semaine en Luc. Salut Luc. Salut. Comment a été ta semaine à date? Ah, mais je suis en vacances, fait que c'est ça. C'est comme toute bonne semaine de vacances, j'ai pas le temps de rien faire parce que j'ai planifié trop d'affaires en avant, fait que j'ai passé des journées avec la boue dans le toupette, mais c'est ça qui est ça. On va s'en sortir, puis on va aller se reposer à l'ouvrage la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ben, en plus, mais en fait, ce qui est bon, vu que t'es en vacances, ben, tu vas pouvoir assister quand même à un événement demain. En fait, on va être quoi demain, là? Demain, on va être le 26. Le 26, ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est Microsoft. On l'avait déjà annoncé dans le show, mais peux-tu nous rappeler ça va être quoi? Oui, demain, si ça vous tente, parce que c'est ouvert au public, vous allez au 395 boulevard de Maisonneuve-Ouest. C'est le Café La Prep. Et puis, c'est le lancement de la Surface 3 de Microsoft. Donc, ça rouvre à midi pour le public. Là, avant ça, s'il y a une petite partie média. Donc, de midi à 13h, il y a un atelier animé par Adrienne Babin, la demoiselle de Monsieur Net. Mm-hmm. Puis, il y a aussi Stéphanie Harvey qui travaille, si je me trompe pas, chez Ubisoft, qui est aussi à Monsieur Net. Vous allez pouvoir jouer contre elle à un jeu sur la tablette. Ça, c'est s'il reste de la place, comme de raison. Enfin, je pense que ça va se bousculer pour essayer de voir si vous êtes meilleur qu'elle. Puis après ça, de 17h à 19h, Philippe Fimiou va animer une présentation sur l'impact des technologies puis sur la création musicale avec la Surface. Donc, vous pouvez aller faire un tour. C'est demain le 26 ou aujourd'hui le 26 ou ben, si vous écoutez plus tard, hier le 26. Et là, vous pourrez plus y aller. Mais je vais mettre le show tout de suite après l'enregistrement. Donc, ça va vous donner au moins la journée complète pour savoir que c'est aujourd'hui. Et puis sinon, ben désolé. On avait parlé la semaine passée, je vais en reparler cette semaine. Donc, allez faire un tour. Moi, je devrais être là, si tout va bien, aux alentours de 14h peut-être. Parce que j'ai des choses le matin, là. Je vais aller faire un petit tour, voir ça, cette belle nouvelle tablette-là. Ben, c'est ça, c'est parce que t'as tellement pas de temps en vacances. J'ai tellement pas de temps. C'est parce que tranche de vie, demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc, médecin passe avant tout et la tablette passera après. Ouais, c'est plutôt parce qu'on s'entend que si tu skips ton rendez-vous avec le médecin, tu sais pas quand est-ce que tu vas en avoir. Hein? Ouais, l'année prochaine. Ouais, genre. Fait que c'est ça. Ou quand tu vas mourir pour l'autopsie. Ouais, c'est ça, mais là, ça me fera plus grand-chose à moi, personnellement. Non, effectivement. Mais en fait, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'affronterais Stéphanie Harvey, mais faut-il rappeler que ça a quand même été la fille qui a été déclarée la meilleure joueuse au monde à un certain moment. Donc, elle a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu là-dedans. Fait que si jamais ça vous tente de vous mesurer à une ex-championne du monde, ben ça va être l'occasion. Mais je pense que ça va être intéressant comme événement. Je sais qu'ils ont comme remodelé le café à l'image de la Surface Pro 3. Fait que ben écoutez, allez faire un tour si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a voir les gens aussi de Veritas Montréal qui organisent l'événement. Donc, une gang bien sympathique. Oui, oui, très. Fait que, ben, en tout cas, je n'y serai pas, moi, malheureusement, parce que faut comme que tu gagnes ta paye. Ouais, faut que je gagne ma paye, puis il faut que je paye mon hypothèque. Fait que c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, maintenant, hypothèque. Fait que t'as pas tellement le choix. Mais non, je vais aller faire un tour, puis je vais en reparler la semaine prochaine. Good, good. Sinon, t'as-tu des sujets d'actualité dont t'aimerais nous parler? Oui, ben un fail, mais je sais pas vraiment à qui le donner. Il y a un bel article de Jean-François Coderre qui est apparu sur la presse, c'est lundi, qui parle des crédits d'impôt. Bon, le gouvernement du Québec a décidé qu'il allait couper dans les crédits d'impôt à peu près 20%. Et on apprend que Ubisoft et Warner, eux, seront pas affectés par ces coupures-là. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait mettre dans leur contrat que ben vous nous donnez des crédits d'impôt et vous n'avez pas le droit de les modifier. Donc, c'est quand même pas pire parce que c'est comme 60% des économies que le gouvernement envisage à faire qui se font comme envoyer aux poubelles grâce à ces deux contrats-là. Donc, félicitations aux avocats d'Ubisoft et de Warner et un gros chou aux personnes du gouvernement du Québec qui ont négocié ça. Moi, j'aurais pas nécessairement laissé ça passer, mais bon, on voulait attirer des gros studios à Montréal et peut-être qu'on n'a pas tellement le choix. Ça génère quand même beaucoup d'emplois, donc ça serait vraiment plate de voir tous ces studios-là quitter parce que les crédits d'impôt baissent. Donc, c'est un semi-fail. Je trouve que le gouvernement aurait dû négocier ses affaires, puis peut-être regarder les contrats qu'il avait signés avant de dire on va couper 20% partout, puis que ça va affecter quoi les plus petits studios, puis les autres qui n'ont pas eu l'ingéniosité d'engager des avocats un peu plus rusés. Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est parce que le problème que je vois là-dedans, tu sais, quand le gouvernement avait annoncé des crédits d'impôt assez alléchants, merci, là, il y avait pas, en fait, il y avait pas de province à l'époque qui offrait des crédits d'impôt aussi intéressants, puis même au niveau mondial. En tout cas, moi, j'ai pas d'exemple qui vienne en tête de soit d'État ou de pays ou de ville ou de, en tout cas, nommez ça comme vous voulez, qui offrait des crédits d'impôt aussi alléchants que ce que le Québec offrait. Et après que le gouvernement du Québec ait instauré ça, ben, on a vu certaines villes comme Vancouver, par exemple, commencer à offrir des crédits d'impôt aussi pour que les studios viennent s'établir dans leur région. Le problème que je vois avec ça, c'est que si le gouvernement coupe, parce que ça va être les plus petits, là, ça sera pas Ubisoft ni Warner qui vont écoper de ça, mais est-ce qu'on va voir de la main-d'œuvre qui est talentueuse de plus petits studios? Parce que, tu sais, faut pas penser que toute la main-d'œuvre de qualité est réunie dans les plus grands studios à Montréal, là. Vous avez vraiment des bons développeurs, des bons concepteurs, des gens qui ont vraiment des bonnes idées créatrices dans des plus petits studios à Montréal. On en a reçu d'ailleurs dans le show, je pense entre autres aux gens de, voyons, ceux qui ont développé le jeu en 2D là qu'on a évalué il y a pas longtemps, Mercenary Kings. Donc, tu sais, il y a vraiment des gens avec des belles idées novatrices ici, mais est-ce que ça va faire en sorte que les studios seront plus capables de supporter les coûts engendrés par leur production, puis finalement qu'ils vont déménager leur main-d'œuvre ailleurs? Vers des villes qui offrent des crédits d'impôt plus intéressants. J'ai peur de ça. T'sais, est-ce que dans le fond, le gouvernement a voulu bien faire au départ, puis attirer beaucoup de main-d'œuvre, puis créer de l'emploi ici, puis finalement engendrer des dommages collatéraux? C'est Je dur à sais pas. dire. C'est dur à dire. Je sais pas. Fait qu'on va voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver à ce niveau-là. Sinon, ben, il s'est quand même passé une couple de choses, tu sais, depuis le 3, ça n'a pas nécessairement chômé dans l'actualité. Je parlerai pas nécessairement de tout. Je vais vous parler plus d'un truc spécifique qui m'a frappé cette semaine. World of Warcraft. Je pense pas que j'ai besoin de vous présenter ce jeu-là. Il a été présenté, écoutez, je sais pas combien de reprises depuis quoi, plus de 10 ans maintenant, je À pense. peu près, ouais, à peu près tout le monde connaît ça. À peu près tout le monde, même les non-gamers, savent c'est quoi World of Warcraft. Et il y a déjà quelqu'un qui s'est rendu au niveau maximal de World of Warcraft, tu sais, qui a monté son personnage jusqu'au max. Ce qui avait jamais été fait, par contre, c'est de monter son personnage au niveau maximal en restant dans la zone de départ. Et là, ceux qui connaissent le jeu vont me dire, ouais, mais comment tu peux ne pas avoir de vie au point de tuer juste des sangliers, puis de monter comme ça ton personnage au niveau maximal. Il faut que tu en dépenses des heures, là. Ben, ça a été fait. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que le joueur qui l'a fait est fier J'imagine, mais ça a été fait. Il y a un joueur qui a dépensé l'équivalent de 173 jours de jeu. Fait que là, faites l'addition, là, ça en fait du temps, là. C'est beaucoup de temps. Moi, personnellement, je pense que dans une vie, j'aurais pas autant de temps de jeu à investir. Dans toute ta vie, ouais, c'est Dans sûr. toute ma vie, là, tu sais, puis même dans ma mort, je pense que j'aurais pas autant de temps. Fait que il a investi tout ce temps-là en restant dans la zone de départ et il a monté son personnage au niveau maximal en tuant du sanglier. Fait que c'est possible. On sait Mais pas pourquoi, on mais sait c'est pas. possible. C'est pas pourquoi, là, je sais pas. Et j'imagine que ça doit lui procurer une dose de fierté ou. En tout cas, whatever. Ben, Fait. il peut probablement dire qu'il est le seul au monde qui l'a fait. Ouais, ben, puis Pour je le pense. meilleur ou pour le pire, tu sais. Moi, je pense qu'il va le rester le seul au monde qui va l'avoir fait aussi. Je sais que South Park, à un moment donné, avait parodié World of Warcraft avec justement un personnage qui était resté dans la zone de départ puis qui avait atteint le niveau maximal, puis là, on le traitait de pas de vie puis des choses comme ça. Ben, À dites-vous. juste titre. Ouais, juste à titre, effectivement. Ben, dites-vous que c'est plus de la fiction, ça a été fait pour vrai. Fait qu'est-ce que c'est un fail? Est-ce que c'est un win? Je le sais pas. Il y en a, j'imagine, qui vont dire, ah, wow, c'était écœurant être aussi imprégné dans un jeu puis investir autant de temps. Mais en tout cas, de mon bord, je sais que quand tu as autant de temps à investir dans un jeu, ben, je pense que tu peux aussi l'investir dans des choses un peu plus productives pour ta vie et la société en général. Ouais, mais tu sais, il y en a plein du monde qui ont du temps comme ça à perdre. Puis j'en ai juste un comme ça qui me vient, puis je viens, tu me l'as fait penser en parlant de personne qui a pas de vie. Il y a un gars qui a pris le temps de prendre tous les mots qui ont été mentionnés dans Star Wars, puis les mettre en ordre alphabétique. Et pas écouter le film, écrire les mots sur une feuille. Puis après ça, les remettre dans l'ordre alphabétique ou le faire dans Word, tu sais, ce qui serait hyper facile, tu sais, tu le mets, puis tu le remets en ordre alphabétique. Non, non, non, non. Couper chaque bout de film avec un mot et remonter ça en ordre alphabétique. Donc, à l'écran, vous voyez la lettre A, puis là, il y a chaque mot prononcé qui commence par la lettre A, un après l'autre. Après ça, B, un après l'autre. Après ça, C, un après l'autre. Puis ça dure 43 minutes. Puis il a monté tous les mots comme ça. Donc, c'est ça. Tu te rappelles-tu du temps que ça y a pris? Parce que. Je sais pas le temps que ça y a pris, mais peu importe le temps que ça a pris, c'est trop de temps. Regarde, c'est vraiment cool d'une certaine manière qu'il ait fait ça parce que, je veux dire, moi, j'aurais pas la patience de le faire, là. Mais on s'entend-tu que c'est. c'est. Regarde. Fait que si Bah. vous cherchez ça sur Google, c'est Star Wars Sorted Alphabetically. C'est un gars qui s'appelle Sucker Pinch qui a fait ça. Ça dure 43 minutes et 5 secondes. Et moi, je vous dirais, au pire, faites juste l'écouter parce que de la manière que ça a été monté, vous allez faire une crise d'épilepsie. Les images changent super vite, là. C'est le mot, puis on change d'image, puis ça n'a aucune cohérence. Là, on peut partir du début à la fin du film. Et puis, surprenamment, le mot sabre laser est seulement dit une fois dans le film. Ah, Mais OK. le mot force est beaucoup plus souvent. C'est quoi? C'est le mot force. Non, j'ai pas combien de fois qu'ils disent le mot force. Mais il y a plein de mots il y a qui se répètent plus souvent, là. Mais le mot sabre laser est dit seulement une fois. Non, mais non. Fait que tu vois qu'il y en a du temps Qui se perd? qui se perd à faire des affaires comme ça. En tout cas, je vais vous dire, si jamais vous avez du temps à perdre, d'ailleurs, il y a un petit vidéo, ça dure une minute ou deux, gros max. Tu sais, c'est devenu un peu un running gag sur Internet, tu sais, le fameux Luigi Death Stare Ouais. dans Mario Kart 8. Ben, ils ont filmé des enfants qui voient pour la première fois ce regard-là. Disons, assez peu habituel dans un jeu Nintendo. Fait que c'est cute. Je vais le mettre sur la page Facebook de Réalité Augmentée. Vous allez voir. C'est juste drôle. C'est un clin d'œil sympathique. Mais c'est de voir la réaction des enfants qui sont comme Luigi, que c'est ça? Puis il y en a qui sont comme, ah, je peux pas croire qu'il fait ça à Mario, son frère, tu sais. Fait que c'est un clin d'œil sympathique, fait que je le mettrai sur la page Facebook de Réalité Augmentée. Si vous avez un petit une minute ou deux à perdre, là, allez regarder ça, vous risquez d'avoir du plaisir. Ouais, si vous avez 43 minutes à perdre, je vais mettre le lien pour l'autre vidéo aussi. Hey, on en fait super du temps aux gens. Ben, tu sais, des fois, dans la journée au travail, t'as rien à faire. T'sais. C'est un fait. Fait qu'on vient de vous compter nos journées de travail. Non. J'ai pas dit que moi, j'avais rien à faire. C'est que peut-être qu'il y en a qui ont rien à faire. Alors, pour ça, si ma boss est à l'écoute, je travaille le jour. Oh, oui, je travaille, je me dépense. OK. On va enchaîner avec nos chroniques. Luc, tu veux nous parler d'un jeu, je l'ai essayé moi aussi, un jeu bien sympathique. En fait, c'est la suite de Max and the Magic Marker. Donc, je te laisse y aller avec ce que tu en as pensé. Ouais, ben moi, j'ai pas joué à Max and the Magic Marker. Fait que j'ai joué à Max, The Curse of Brotherhood. Ça m'a fait beaucoup penser, puis là, ça va trahir mon âge, mais ça m'a fait beaucoup penser au film Labyrinthe, un peu, ce jeu-là, où, ouais. Si vous avez écouté Labyrinthe, la fille est tannée de son petit frère qui pleure tout le temps, puis là, elle fait une espèce de prière au dieu des gobelins en disant viens le chercher, je te le donne, je veux plus l'entendre pleurer, puis blablabla blablabla, et ça arrive, puis là elle est prise à passer à travers un labyrinthe pour aller le rechercher. C'est un peu la même chose, donc on incarne Max et il y a dans l'histoire aussi son petit frère Félix. Max revient de l'école et puis Félix est en train de jouer dans sa chambre et en train de violemment détruire certains de ses jouets avec un gros dinosaure. C'est vraiment pas joli à voir. Donc Max est tanné et puis recherche sur Giggle et non pas Google pour une formule pour se débarrasser de son frère, en trouve une, il commence à la dire, il la récite, et puis il y a un portail qui se rouvre, il y a une grosse main qui ramasse son frère, et puis Max décide de sauter dans le trou pour aller sauver son frère, parce que là c'est comme la panique, t'sais. C'est pas normal que même s'il a demandé que son frère se fasse enlever, je sais pas, me semble, tu le demandes, tu l'as, attends un peu, puis tu iras le sauver un petit peu plus tard, profite de ton moment de paix, mais non. Max saute dans le trou puis va chercher son frère. Donc on commence, on se ramasse dans l'autre univers et puis dans l'autre monde. Puis là, on voit la bébite qui a enlevé notre frère, qui est un monstre énorme et vraiment laid. Et finalement, il se fait voler le frère ou le frère se fait ramasser par un oiseau qui l'amène au loin. Puis là, on est pris à se sauver de ce bonhomme-là qui va nous courir après. Puis c'est vraiment comme ça que ça commence. Ça commence assez raide, faut courir, faut se sauver. Si on arrête, on se fait ramasser. C'est pas un jeu qui est facile, je vais vous dire en partant. Ça me fait penser un peu à c'est quoi le jeu Limbo? C'est un peu le même principe. Là, on a le personnage qui est en avant, on a des animations qui sont comme au loin, mais on n'a pas nécessairement accès à aller là. Parfois oui, parfois non, ça va dépendre des tableaux. Mais le look est un peu un mix de Limbo, mais en couleur. Puis les animations, le bonhomme ressemblerait beaucoup à la version enfant de Syndrome, là, peut-être le méchant dans Les Invincibles, Les Incroyables. Ça, les incroyables de Disney, ils ressemblent un peu à ça. Les graphismes sont vraiment jolis. Moi, je l'ai joué sur 360. J'ai vu des vidéos sur la Xbox One. Il est aussi disponible sur Windows. Puis c'est vraiment joli, c'est vraiment très bien fait. Les animations sont belles. On a l'impression qu'on est dans un dessin animé. Les décors, c'est vraiment beau. Puis les personnages sont bien rendus aussi. C'est caricatural, c'est vraiment un dessin animé. Mais c'est vraiment bien fait aussi. Ouais. Donc, on commence, on n'a pas vraiment rien. On sauve, on court, puis faut juste pas se faire attraper. Et puis, on réussit à se sauver de la bébite. Puis là, on rencontre une dame qui va nous dire qu'elle peut nous donner un crayon magique qui, avec ce crayon-là, va pouvoir créer des choses dans notre environnement. Donc, elle va nous donner ce crayon-là. La madame va disparaître, elle va donner comme un esprit, puis elle va nous guider dans le jeu, après ça, en nous parlant, Max, fais ci, fais ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'indications de ce qu'il faut qu'on fasse. Faut vraiment. C'est un jeu de puzzle, hein? C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de puzzle. Faut déduire qu'est-ce qu'il faut faire. Au début, c'est quand même assez simple. La première chose qu'on va nous donner, c'est la possibilité de créer des branches à partir de petits points lumineux verts. Donc, on va se créer une branche. Ça va être dépendant du point, ça va être une branche plus longue ou plus courte qu'on va pouvoir faire, puis ça va nous permettre de bon sauter un peu. Max ne saute pas tellement loin, donc faut vraiment amener la branche à la bonne place. Au début, on vous rend la tâche plutôt facile. La branche est assez longue pour venir chercher le rebord du précipice, mettons, puis on peut juste marcher dessus. À un moment donné, les branches sont un peu plus courtes, faut travailler un peu plus fort, faut penser que peut-être faut mettre la branche avec une courbe vers le bas, une courbe vers le haut. On peut aussi couper cette branche-là pour soit recommencer ou soit utiliser la branche morte. Tant qu'on ne recrée pas une nouvelle branche du point de départ de cette branche-là, du point lumineux, la branche va rester là, puis là, on peut utiliser le bouton X pour traîner la branche avec nous puis se faire, mettons, un petit pont ou se faire une espèce de petit escabeau pour aller chercher quelque chose dans un arbre, quelque chose comme ça, parce que on a des pièces à trouver qui va nous débarrer quelque chose, une pièce d'un collier qui appartient à la madame, ou on a aussi des pièces, des yeux qui nous regardent, qui fait que le méchant, Mustachio, il peut nous voir avec ses yeux-là. C'est vraiment comme une branche avec un œil au bout. Puis là, il faut l'arracher. Puis quand on l'arrache, ben il arrête de nous voir, il peut plus vraiment nous suivre. Ça change absolument rien à l'histoire. Ça nous donne... J'imagine que ça donne un succès quand on les enlève tout. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de toutes les ramasser parce que je voulais passer à travers le jeu. Mais on peut tout ramasser ça, puis on peut tout ramasser les morceaux de médaillon, puis ça doit donner un succès à la fin. Mais je me suis pas rendu à toutes les ramasser. Donc, on avance. Le premier pouvoir qu'on a, c'est les branches. On va se rendre un petit peu plus loin. Ensuite, on va nous donner le pouvoir de faire soulever des terrains, des parties de terrain. Là, je peux me mélanger dans l'ordre, par exemple. Après ça, on a les petites parties de terrain. Donc, à terre, on a du orange. Avec ça, on peut monter. Je pense que c'est lui notre premier pouvoir. On peut monter une partie du terrain pour pouvoir passer à des espaces plus hauts. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut le monter droit, mais on peut aussi y donner un petit croche pour l'approcher plus près de la deuxième place où qu'on faut sauter, puis on peut se faire un passage pour pas tomber dans de la lave ou dans des plantes qui veulent nous manger. Parce que dans l'univers où Max se retrouve, là, tout veut te tuer. Les plantes veulent te tuer, les bébites veulent te tuer, tout veut te tuer. Il y a vraiment des bébites effrayantes avec des pics sur le dos. Ça a l'air d'un escargot avec des pics. Tout veut te tuer dans ce jeu-là. Fait que c'est, ne faites confiance à rien qui bouge parce que ça va vous tuer. Puis quand ça bouge pas, ça va vous tuer aussi. Donc, puis vous allez mourir souvent. C'est pas Dark Souls, là, mais j'ai rasé de passer une manette à un moment donné. Ça aurait pu me coûter le prix d'une belle petite manette sans fil. Ça m'a fait penser un peu au concept de Limbo, dans le sens que il y a quand même de l'essai et erreur là-dedans. Oui, beaucoup. Ouais. Pour réussir un tableau, des fois, vous allez l'essayer 3, 4, 5 fois. Puis là, quand vous allez l'avoir, vous allez vous dire, c'est donc bien niaiseux. Ouais. Mais c'est ça, fait que là on peut monter des plateformes, on a les branches, plus tard on peut se faire des lianes, on va aussi avoir la possibilité de contrôler des jets d'eau, les jets d'eau vont faire comme un espèce de passage, donc quand on rentre dans le jet d'eau, c'est un peu comme une glissade d'eau, on va se ramasser à la fin du jet, dépendant où ce qu'on l'envoie, fait qu'on peut se faire propulser dans les airs, juste aller sur une prochaine plateforme, et puis on va tomber à certains tableaux où il faut mixer les choses. Puis c'est là que ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Oui, j'ai une branche puis j'ai une liane. Est-ce qu'il faut que je fasse pendre la liane de la branche ou est-ce qu'il faut que j'attache la liane à quelque part puis couper la branche pour utiliser la branche pour faire quelque chose? Fait que c'est vraiment des choses comme ça. Puis des fois, c'est une combinaison de 3-4 affaires. Il y a un tableau où on a un bloc qu'il faut utiliser pour ouvrir une porte. Mais là, on a le bloc, on a la liane, on a une branche, puis on a un petit lopin de terre qu'on peut faire grossir. Fait que là, faut monter le bloc sur le lopin de terre, utiliser la branche pour se rendre où ce qu'on était, prendre la liane, l'attacher après le bloc, puis après ça, prendre le lopin de terre, le détruire pour faire tomber le bloc pour qu'il arrache la porte. Fait que c'est des combinaisons de choses qu'il faut faire à un moment donné pour résoudre un puzzle. Puis ça, plus on avance, plus ça devient compliqué, mais... J'ai jamais eu vraiment, tu sais, arriver à une place, dire non, là, vraiment, là, j'ai aucune idée. Faut vraiment penser, essayer une chose après l'autre. OK, je vais essayer ça avant. Ah non, ça marche pas. Ah, ça, ah non, ça, ça marche pas non plus. Ah, mais si j'essaye ça, ah, OK, c'était ça. Ça fait que là, de même, on peut progresser puis se rendre jusqu'au bout. Des fois, il y a plus qu'une manière aussi de le passer. Des fois, vous allez peut-être le passer d'une manière qui n'était pas nécessairement la manière. Moi, à un moment donné, je me suis fait un petit pont avec une branche, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait des lianes, puis j'ai réussi à passer pareil avec mon pont, avec ma branche. Puis ça a passé. Mais j'étais peut-être pas comme ça que j'étais supposé de le passer, mais j'ai réussi pareil. Puis aussi, on a le dernier pouvoir qu'on va nous donner, c'est le pouvoir de destruction. Fait que là, on va pouvoir lancer des boules de feu qui vont détruire des objets. On peut se servir de la boule de feu pour charger une branche qu'on va pouvoir traîner, puis après ça, de la branche, tirer sur un objet plus loin parce que ça se fait pas direct. Donc, c'est vraiment puzzle par grand bout de temps. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce puzzle-là. Il y a des tableaux, il y a comme 6 portes, puis chaque porte, faut la faire exploser, puis il faut apporter une branche ou faire tirer le canon à une place différente pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Ça devient compliqué plus on avance, mais c'est toujours satisfaisant quand on finit un puzzle parce que, j'ai réussi à le faire. Il y a des puzzles qui sont hyper faciles, même quand on est rendu assez loin, parce qu'on en a vu d'autres, puis on se dit, OK, ben ouais, ça c'est évident, c'est ça, faut que je fasse. Puis il y en a qui vont vraiment comme, OK, attends, là, faut que j'y pense. Là, vous allez essayer 3 ou 4 affaires, puis ça marche pas, puis à un moment donné, vous allez le trouver, puis on trouve ça niaiseux. Mais tu sais, quand tu parles de la difficulté, puis du fait que tu as failli passer une manette, tout, malgré son look, c'est vraiment pas un jeu pour enfants. Hein. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Premièrement, le petit bonhomme, il doit avoir à peu près l'âge à mon gars, il doit avoir entre 8 et 10 ans. Puis il meurt à tout bout de champ. C'est comme, vous allez essayer des affaires, il meurt, vous courez pas assez vite. Le côté négatif que je trouve de ce jeu-là, à un moment donné, il y a trop de scènes où on sauve de quelque chose. On sauve la grosse bébite qu'on rencontre au début, on sauve de ce bébite-là 4 fois à peu près dans le jeu. Puis c'est toujours, je cours. Puis là, je saute dans les airs. Là, faut que je me fasse une liane pour m'accrocher parce que sinon, je vais tomber dans l'eau. Puis aussi, on a des quick time, on n'a pas des quick time, on a du bullet time dans certains niveaux. Fait qu'à un moment donné, on saute, puis là, il saute dans les airs, puis là, il tombe dans un précipice, puis là, tout d'un coup, on arrête comme, on ralentit l'action pour vous donner le temps de voir que, bon, vous pouvez vous faire une branche là, puis un jet d'eau là, mais il faut faire les deux un après l'autre, puis le bullet time est pour un certain temps vraiment court, là. Fait que c'est pas de niaisage, vous êtes mieux de maîtriser le dessin avec votre manette assez vite parce que vous allez mourir. Il y a un tableau, il faut faire comme 3 choses dans un moment bullet time. Là. Je suis mort à peu près 15 fois. Puis là, je le refaisais. Puis c'est là que ma manette a presque eu un rendez-vous galant avec ma TV. Là. C'était rendu. J'étais plus capable. J'ai arrêté. J'ai dit, garde, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais recommencer plus tard. J'ai arrêté. Puis il a fallu que je recommence le niveau au complet. C'est pas toujours clair non plus où le jeu décide de sauvegarder. Des fois, on se dirait, ah, OK, j'ai changé de niveau. C'est marqué chargement. Si j'arrête là, je vais recommencer la prochaine fois. Et non, des fois, il fallait que je recommence complètement le niveau. Mais là, c'est pas pire, tu l'as réussi une fois, tu sais comment le faire. Mais il y a des niveaux qui sont vraiment pas faciles. Surtout les niveaux, faut courir pour se sauver d'un pont qui se défait, de la bébite qui te court après, de plusieurs bébites qui vous courent après. Faut être capable de faire plus qu'une chose en même temps. C'est-à-dire courir puis essayer de prévoir. Faut-tu sauter? Faut-tu que je crée une plateforme? Faut-tu que j'essaye de détruire une bébite? Parce qu'à un moment donné, avec le pouvoir du canon, de tirer des boules de feu, on peut tirer sur un ennemi qui s'approche, mais faut le tirer tout en s'en éloignant, tout en construisant d'autres choses. Puis des fois, faut y envoyer 3-4 boules pour l'arrêter assez longtemps. C'est pas un jeu qui est facile, mais pas du tout. C'est pas un, même si, comme tu disais, Dan, c'est, même si c'est cute, puis ça met en le personnage principal, c'est un enfant, c'est pas un jeu pour enfants. Non, vraiment pas. Ouais. Ben, t'as-tu aimé les contrôles? Ben, j'ai trouvé que ça se faisait bien. C'est quand même assez simple. Avec A, on construit, avec X, on détruit ou on traîne. Ben, c'est la gâchette plus A ou la gâchette. Parce que la gâchette, on sort notre crayon. Mm-hmm. Après ça, A, on crée un objet. Gâchette X, on détruit un objet ou on coupe un objet. Puis après ça, X tout seul, on pouvait traîner un objet. Puis B, ben on sautait. Puis le Y, je me rappelle pas s'il était utilisé. Je pense que le Y n'était pas utilisé. Mais... Parce que moi, j'ai eu un bémol au niveau des contrôles, au niveau de la précision des sauts. Oui. Des fois, vous allez sauter, vous allez avoir l'impression, tu sais, je pense entre autres aux séquences que tu disais où est-ce qu'il faut échapper à un ennemi. Tu vas courir. Là, il va falloir que tu sautes. Tu vas avoir l'impression d'atteindre soit l'objet ou l'obstacle ou peu importe qui va te permettre d'échapper au monstre et whoop, tu vas sauter un petit peu trop loin. Mais ouais. Pourtant, tu es sûr de l'avoir réussi. Ouais, un peu trop, un peu pas assez loin aussi. On joue beaucoup avec des scènes de course d'un gros monstre qui te suit avec je tombe sur une plateforme glissante qui descend. Fait que là, je glisse un peu comme si je faisais du skateboard, mais juste avec mes souliers. Puis là, il y a un trou avec des plantes qui vont me tuer. Fait que là, faut que tu sautes par-dessus le trou. Puis là, si tu sautes trop loin, t'es dans l'autre section avec des plantes, fait que tu meurs. Si tu sautes pas assez loin, tu meurs. Faut que vraiment que tes sauts soient vraiment bien synchronisés avec l'espace. Fait que des fois, ça prend 2-3 fois. Puis cette scène-là en particulier, au bout de la branche, on saute super haut. Puis là, on a un quick time event. On a un bullet time qui va nous faire se dessiner une liane. Mais là, la liane, si on fait juste la dessiner, elle est là. Puis elle tombe... Faut la dessiner avec une espèce de... Faut la dessiner presque droite pour qu'elle se mette à balancer. Pour que quand notre personnage arrive, il va pouvoir tomber dessus. Parce que sinon, elle se tient contre le mur, puis le personnage se rend même pas à liane, puis il tombe dans le trou. Fait qu'il faut gérer aussi que la liane, elle se balance. Fait que là, tu gères que la liane se balance, mais elle se balance-tu dans le bon temps pour qu'elle soit vers l'avant quand ton personnage arrive ou elle va être rendue vers l'arrière. Fait que c'est plein d'affaires à gérer comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était excellent. Malgré, comme tu dis, les sauts, des fois, c'est pas nécessairement super facile. Des fois, on a l'impression que les commandes ne répondent pas comme ils devraient. Mais c'est pas critique. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui brise le jeu. C'est quelque chose qu'on apprend à travailler avec après 1, 2, 3 tableaux. On a pas mal maîtrisé les commandes puis on est capable de les comprendre. Là, c'est des surprises qu'on va nous faire, c'est des choses qu'on s'attend pas à ce qu'il va arriver, sauter en plein milieu d'une glissade ou tu sais. C'est la première fois que le bullet time arrive, on est tous comme qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis là, sur le coup, j'ai rien fait, je dis ah, il va arriver quelque chose parce que tu sais il y a des scènes qui sont scriptées. Fait qu'à un moment donné, on tombe dans une scène où c'est une animation. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est une animation qui va embarquer. Puis, ah, mais non, mon bonhomme est mort. Ah, c'était peut-être une animation voulue, puis le jeu finit de même. Mais non, c'était pas ça. Fait que c'est ça, c'est une aventure qui est le fun. Comme je dis, ça m'a fait penser un peu à Labyrinthe, dans l'histoire de on demande de se faire débarrasser de son petit frère, puis finalement, on va le chercher. On veut plus. Ouais, c'est ça. Le monde qu'on est dedans est vraiment intéressant. Il y a vraiment pas beaucoup de personnages, là. Il y a comme 4 personnages. Il y a Mustachio, le méchant. Il y a la Madame Fée. Il y a Max. Puis il y a Félix. Puis le restant, c'est des créatures, des bébites. C'est drôle parce que des fois, on a des espèces de bébites qui viennent manger. Puis ça, c'est vraiment sinistre. Là. C'est vraiment comme des tremors, des bébites qui sortent de la terre. Là. Puis c'est juste une bouche, puis ils te ramassent quand tu passes trop près. Puis il y a les espèces de bébites, je disais, avec des piquants. C'est comme des gros escargots avec des piquants sur le dos. Puis à un moment donné, il faut voir. Ah, mais là, si je passe là, je me fais bouffer par elle. Puis si je passe là, lui, il va me piquer. Qu'est-ce que je fais? Puis là, on s'aperçoit qu'on peut... en faisant des plateformes, des choses comme ça, amener l'escargot à se faire ramasser par la bébite qui bouffe, puis là, la bébite est poignée avec la coquille de l'escargot dans la bouche, puis elle est plus capable de s'en débarrasser, puis l'escargot est plus là pour vous rentrer dedans, là, vous êtes capable de passer tranquille. Tu sais, fait qu'on peut utiliser l'environnement pour se débarrasser des bébites. Il y a un moment donné, il y a des bébites avec des massues qui arrivent pour nous attaquer. Ben, vous dessinez une branche, ils embarquent sur la branche, vous coupez la branche. Tombe dans le trou. Mais ils sont partis. Ne plus. Fait qu'il faut apprendre à utiliser l'environnement pour se débarrasser de certains ennemis. Puis il y a d'autres ennemis, c'est pas le choix. Faut courir, puis sauver, puis essayer qu'ils nous rattrapent pas. Mais c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Si vous aimez ce genre de jeu-là, aventure, puzzle, un peu à... C'est pas un point and click, mais ça a un peu l'air d'un point and click, mais on contrôle vraiment notre bonhomme. Là. C'est vraiment super. Moi, je vais donner un Je dis pas généreux, je dirais que ça vaut pas mal un 8 sur 10. Ouais. Ouais, c'est pas mal ce que je donnerais moi aussi. Tu sais, je pourrais aller avec un 8.5 là. C'est vraiment bien, mais je vais donner un 8. Si les commandes auraient été un peu mieux, j'aurais donné un 8.5. La musique est intéressante, mais c'est bien répétitif parce que c'est toujours la même musique qui revient dans le fond. Mais je veux dire, vous allez commencer, puis vous allez vouloir passer à travers cette histoire-là. Il est pas cher, il est 15$, je pense, sur la Xbox 360. Puis si je me rappelle bien, il me semble que JB avait dit que c'est le jeu gratuit sur la Xbox One présentement, ou si c'est pas fini, là, mais il était gratuit. Si ça vous intéresse, allez voir. Vous l'avez peut-être déjà téléchargé. Si vous avez une Xbox One, allez voir ça. Vous pourriez peut-être l'avoir encore gratuit pour un petit bout de temps. C'est peut-être le jeu jusqu'à la fin du mois. Mais ça vaut pleinement la peine. Ça vaut le 15$. Vous allez passer entre 8, peut-être 8 heures, 8-10 heures sur le jeu, dépendant de votre capacité à passer à travers les puzzles. C'est sûr, si vous êtes joueur extraordinaire, vous allez peut-être le passer en 5 heures, là. Mais c'est super intéressant. Moi, je vous le conseille fortement. Ouais, non, puis tu sais, ce que j'avais trouvé aussi intéressant avec ce jeu-là, moi, je voyais le potentiel pour une série animée. Sérieusement, là. Tu sais, bon, comme tu dis, il n'y a ça pas. Ça serait dark en tabarnouche. Ouais, mais. Enfants, mais je trouvais que la personnalité de Max était intéressante. T'sais. Moi, je me suis attaché à ce personnage-là. Tu sais, c'est un. Comment je peux dire ça? Il est insouciant, il est bien développé, je trouve. Tu sais, c'est un personnage auquel tu t'attaches rapidement. Puis bon. C'est très, très, très différent de Max and the Magic Marker, là, si vous y avez joué. Max and the Magic Marker, c'était un peu le même style de jeu, mais beaucoup, beaucoup moins sombre. Là, on est vraiment allé dans une tangente, là, comme tu dis, un peu labyrinthe. Là, t'sais. Un peu l'insouciance d'un enfant qui devrait tout être joyeuse, puis non, c'est les gros monstres dégueulasses qui enlèvent ton petit frère, puis il faut que tu ailles le secourir dans un monde où tout est hostile. Là. Fait que, mais oui, ça serait probablement assez dark pour des enfants. Mais en même temps, si je me rappelle certaines séries animées que j'ai écoutées durant mon enfance, il y en avait des pas pires. Hein? Je me rappelle d'entre autres de Uchi l'abeille. Ah, oh, mais t'avais beaucoup de choses dans notre temps. Dans mon temps, des méthanes, des affaires comme ça, des ouais, grenouilles des qui mouraient, c'était pas joyeux, là. Ben, c'est ça. Mais, il est temps que les enfants de nos jours en prennent aussi. Ouais, mais tu sais, c'est assez raide, là. Il y a des bébites assez dégueulasses. C'est sûr qu'ils pourraient nuancer ça pour faire un film, une série d'animation qui serait bonne pour tout le monde, là. Ouais. T'sais. Non, je pense qu'il y a un potentiel pour ça, tu sais. Ça pourrait, mais est-ce que ça va se faire, tu sais? Il y a un plus gros potentiel encore pour une série animée des Skylanders, puis. Ah, c'est clair. À date, je n'ai pas entendu parler, hein, mais bon. Non, mais tu sais, probablement ça se fera pas parce que la série des Max n'est pas si populaire que ça. Non. Elle connaît du succès, oui, mais de là à le dériver vers d'autres choses, je pense pas. Là. Mais n'empêche que, en tout cas, moi j'ai aimé les personnages présentés. Je trouvais que, tu sais, j'aime ça, moi, quand c'est un mélange un peu enfantin, mais avec des thèmes, tu sais, qui se rapprochent plus de l'adulte, là, tu sais. J'aime ça, ce mélange-là, fait que... Mais bref, on verra ce que la suite va nous réserver, mais... moi, je vais vous parler d'un jeu... Tu sais, quand tu testes des jeux, quand t'en as évalué... tu sais, c'est vraiment pas pour me vanter, mais par centaines, depuis plus d'une décennie... Il y a des jeux que tu devrais pas tester dans ta vie. Oui. Je parle pas de jeux poches, là. Je parle juste de jeux qui te conviennent pas. Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu avec Tomodachi Life sur Nintendo 3DS. C'est pas un jeu que j'aurais dû tester. C'est un jeu dans lequel j'ai vu des qualités. Puis c'est clair que pour le public cible, tu sais, les joueurs qui vont y accrocher vont vraiment rentrer dedans puis vont y plonger. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu des très très bonnes notes pour ce jeu-là. Mais pour ma part, c'est vraiment pas un jeu qui m'a accroché. J'ai fait un peu un ras-le-bol des jeux de simulation. Tu sais, les fameux Tycoon. Les Sims ou des affaires de même, là. C'est ça, tu sais, les Sims, Animal Crossing et autres jeux de ce même acabit. Donc, Dieu seul sait que durant mon adolescence, j'ai joué à tout ce qui s'appelait Tycoon, Roller Coaster Tycoon, Railroad Tycoon. J'ai joué à Cement, SimCity. Bon, tu sais, joué à tout ça. À un moment donné, j'en ai juste eu un ras-le-bol. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on me propose un jeu de ce genre-là, j'y vais un peu de reculons. Je vais y jouer, mais c'est pas ce qui va le plus m'amuser. Et avec Tomodachi Life, le problème que j'y ai trouvé, c'est... En tout cas, je vais vous le détailler, puis vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai pas accroché. Mais comme je vous dis, prenez ça sous toute réserve, parce que si vous aimez ce genre de jeu-là, il est fort possible que vous aimiez plus ça que moi. Donc, qu'est-ce que c'est Tomodachi Life? En fait, c'est un concept de Nintendo, un concept un peu étrange, étrange dans son cœur même, mais aussi parce que c'est un jeu un peu sorti de nulle part. Donc, c'est très japonais au niveau du concept. Donc, Tomodachi Life, c'est un peu l'équivalent du Animal Crossing, mais avec les Mii. Donc, les Mii sont vraiment mis de l'avant, sans vouloir faire de jeu de mots, là, sont mis de l'avant dans ce jeu-là, sont vraiment au cœur de l'expérience. D'ailleurs, quand vous allez démarrer le jeu, vous allez devoir créer votre Mi que vous pouvez soit importer à partir de l'éditeur de Mi de la 3DS ou encore le concevoir de toutes pièces. Ça, c'est vraiment à votre guise. Vous faites ce que vous voulez. Et après ça, votre Mi va être catapulté sur une île déserte, une île qu'on dit paradisiaque, mais ça sera à vous de la rendre, d'en faire un petit paradis sur Terre. Donc, vous débutez comme ça et pas longtemps après que votre Mi soit sur l'île, on va vous demander d'en créer un autre pour y tenir compagnie. Et après ça, un autre, et un autre, et encore un autre. Fait que ce qui fait en sorte que si vous aimez pas créer des Mi, et toi, je sais pas Luc, là, mais moi personnellement, l'éditeur de Mi de ma 3DS, j'ai pas passé beaucoup de temps là-dedans. Il y a un éditeur de Mi sur la 3DS? Ben oui, certainement, tu peux créer ton Mi. Ok, Mi en sac? J'en ai créé un, je pense, pour mon gars, parce que j'emprunte la DS à mon garçon. Je m'en ai pas acheté une personnellement pour moi. J'ai pas assez de jeux souvent à tester pour que ça vaille la peine que je dépense 200$ sur une 3DS. Là. Mais c'est. Je l'ai créé pour lui, puis je me suis dit, ah, c'est le fun. Puis quand je joue à un jeu, je joue avec son Mi à lui. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, probablement que tu passerais pas beaucoup de temps à créer des Mi là, là-dedans. T'sais, tu créerais pas toute ta famille avec ça. Non, je penserais pas. Ça m'intéresserait plus ou moins. Ben, c'est ça. Donc, j'aime mieux jouer que créer un Mi. Ouais, ben, je peux te comprendre. Puis d'ailleurs, ben, c'est un peu ça le problème avec Tomodachi Life. Si vous aimez pas créer des Mi, oubliez ça, le concept vous accrochera pas parce que plus vous créez de Mi, plus vous débloquez de choses sur l'île et plus vous ouvrez les possibilités du jeu. Donc, si vous aimez pas ça, puis oui, c'est possible de les importer à partir de l'éditeur de Mi ou encore à partir de SpotPass, donc de l'Internet, voire même d'importer des célébrités. Je sais qu'il y a entre autres Shaquille O'Neal, qui lui cherche de l'attention où il peut. Puis il y a Christina Aguilera aussi, qui fait d'ailleurs la promotion dans les pubs aux États-Unis de Tomodachi Life. Donc, vous pouvez importer dans le jeu. Mais si vous aimez pas ça, développer des Mi, créer des Mi de toutes pièces, c'est clair que dès le départ, le jeu vous plaira pas. Donc, il faut vraiment aimer ça, concevoir ses Mi, leur apposer des sourcils, un nez, une bouche, puis changer leurs vêtements, leur couleur de cheveux, leur style capillaire aussi. Donc, il faut aimer ça, sinon, en partant, vous accrocherez pas. Donc, par contre, ce que Nintendo a fait avec les Mi de Tomodachi Life, c'est qu'ils ont donné la possibilité de créer des personnalités au niveau des Mi, ce qui n'est pas possible avec l'éditeur de Mi de base. Donc, les personnalités, en fait, il n'y a pas beaucoup de traits de caractère qu'on peut développer. Si ma mémoire est bonne, il y en a 4, mais avec ces 4 traits de personnalité-là, vous allez pouvoir finalement concevoir des caractères qui vont être propres à chacun de vos Mi. Ce que ça va faire, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir avoir un Mi qui va être très poli mais désordonné, ou un Mi qui va être très sérieux et totalement impoli aussi. Tu sais, fait que vous pouvez jouer là-dedans et créer des personnalités différentes pour chacun de vos Mi. Vous pouvez prendre exemple sur votre famille ou vos proches si vous voulez. Ça, c'est à votre guise. Et évidemment, les personnalités que vous allez en fait lier à vos Mi, ben vont dicter un peu leurs choix puis les interactions qu'ils vont avoir ensemble. Parce que oui, dans Tomodachi Live, comme dans bien des jeux de simulation, c'est possible que vos Mi se mettent en couple et aillent un bébé, se marient, vivent heureux, et etc., etc. Donc, vous voyez, toutes des activités passionnantes auxquelles je n'ai pas accroché. Fait que... c'est ça. Fait que dans... Mais tu sais, pour quelqu'un qui aime ça, il va triper dans ce jeu-là parce que c'est des possibilités qui sont proposées. Mais moi, personnellement, voir mes personnages vivre une vie virtuelle, ben j'aime mieux vivre ma vie. Mais bref, ça, c'est moi. Une fois que vous avez créé vos Mi, puis là, vous pouvez en créer, au moins une dizaine, si c'est pas une vingtaine, pour qu'ils peuplent finalement l'immeuble principal de l'île, vous allez... pouvoir accomplir différentes activités pour répandre du bonheur. Parce que c'est vraiment ça la quête principale de Tomodachi Life, c'est de faire en sorte que vos Mi soient heureux. Et pour être heureux, ben ils vont vous demander des tâches toutes plus intéressantes les unes que les autres, comme par exemple aller leur acheter des nouveaux vêtements parce qu'ils sont pas contents de ceux qu'ils portent en ce moment, ou encore aller leur acheter quelque chose à manger parce qu'ils ont faim. Donc il y en a ceux qui te demandent d'aller acheter une Wii U parce que je me suis pas rendu assez loin pour ça. Okay. mais tu sais, c'est toutes des petites tâches comme ça, c'est rien de compliqué. Mais vous allez voir que vos Mi sont pas nécessairement très intelligents. Ils vont tout le temps vous demander conseils pour n'importe quoi. Tu sais, que ce soit aller acheter un vêtement ou encore parce qu'ils veulent connaître leur voisin puis ils savent pas trop comment l'aborder. Puis c'est là où les traits de caractère peuvent entrer en jeu, dans le sens que vous connaissez vos Mi, vous savez comment vous les avez créés, donc vous savez comment un autre Mi peut aller les aborder pour finalement avoir une relation d'amitié, voire même plus, qui va être concluante. Mais, tu sais, encore là, il faut aimer ce style-là, il faut aimer finalement créer des vies virtuelles pour apprécier ce style-là. C'est sûr que plus vous rendez vos Mi heureux, plus probablement ils vont vous donner d'argent, donc des dons. Ils vont aussi pouvoir vous donner des cadeaux. Et aussi, ils vont avoir plus d'activités à mesure que vous allez les rendre heureux. Ça, c'est un élément qui est quand même accrocheur dans le jeu, dans le sens que quand on voit la barre de progression du bonheur des Mi, ben, tu sais, on ressent quand même un petit plaisir, tu sais, de voir finalement que nos Mi passent du niveau 1 de bonheur au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, tu sais. Puis que finalement, plus on avance dans leur niveau de bonheur, ben, plus on a d'activités à compléter. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé moins le fun, par exemple, c'est quand vos Mi sont dépressifs parce que ils veulent jouer à un jeu avec vous. Tu sais, là, on se dit, OK, ils veulent jouer, c'est le fun, je vais compléter une petite activité. Le problème, c'est que ces activités-là sont hyper répétitives et sont pas nécessairement intéressantes. À un point où, à un moment donné, on a l'impression que les Mi ont plus de fun que nous, on en a à jouer avec eux, tu sais. je vais vous donner juste un exemple. À un moment donné, il y a un Mi qui peut vous lancer une balle et vous, votre unique tâche, ça va être de refermer une main virtuelle sur cette balle-là pour l'attraper. Donc, c'est ça l'activité et là, vous allez voir que lui... que vous l'attrapiez ou non, lui, il va triper, là. T'sais, il va sauter, il va capoter, finalement. Sauf que vous, ben, vous allez rester un peu de glace devant cette activité-là, puis dire, OK, ben, c'est tout ce qu'il y a à faire. Cool, super le fun. Fait que, tu sais, je dirais, les activités proposées dans Tomodachi Life sont pas super intéressantes dû au fait qu'elles sont répétitives puis hyper simples. C'est sûr que plus vous ouvrez d'options, plus vous ouvrez les possibilités de jeu, c'est quand même intéressant de voir ces Mi progresser à travers l'île, puis découvrir un peu ce qu'ils aiment moins, puis finalement prendre ça en considération pour développer finalement leur vie sur l'île. Point aussi que j'ai apprécié, c'est le fait que le jeu fonctionne pas nécessairement avec l'horloge interne de la 3DS. Donc, contrairement à Animal Crossing, le jeu est beaucoup plus permissif, dans le sens que même si vous jouez pas sur une certaine période de temps, le jeu vous punira pas d'aucune manière. Tu reviens pas pis tes Mi sont toutes morts. Ouais, c'est ça, tu sais. Quoi que dans Animal Crossing, il mourrait pas, là, mais tu sais, genre, si vous jouez pas à Animal Crossing pendant, je sais pas moi, une semaine, ben, votre village était dans un état de délabrement assez avancé, tu sais. Okay. Fait que, ce qui est pas le cas dans Tomodachi Life. La seule option qui est offerte, ben, en fait, pas la seule, mais une des principales options qui marche avec l'horloge interne de la 3DS, c'est les dons. Donc, vos Mi, plus vont être heureux, comme je disais, plus ils vont vous donner d'argent sous la forme de dons qu'ils vont déposer sur la place centrale de l'île. Et ça marche à chaque jour. Donc, si vous y retournez à chaque jour, plus vos Mi sont heureux, plus ils vous donnent d'argent, plus ça vous permet d'acheter des choses. Et à ce moment-là, ben vous pouvez finalement récolter de l'argent à chaque jour. Donc, tu sais, c'est pas un jeu qui est inintéressant. Ceux qui aiment développer des personnages virtuels vont vraiment y trouver leur compte, comme je disais. Mais pour le reste, oubliez ça. Et dernier point sur lequel je vais m'attarder au niveau de Tomodachi Life, c'est que le jeu propose un certain style d'humour, mais un style d'humour qui est assez étrange. Moi, plus qu'une fois, là, je jouais au jeu, puis j'étais comme, OK, là, je devrais rire, mais j'ai comme pas de réaction, là. Je trouve ça tellement bizarre. Tu sais, autant il y en a qui pourraient dire « Ah, c'est une belle folie intégrée au jeu », autant moi, j'ai juste trouvé ça, tu sais, je vais pardonner mon anglais, là, mais « weird ». Tu sais, vraiment, là, je savais pas trop comment réagir par rapport à certaines situations de Tomodachi Life. Des fois, ils séduisent, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y en a, un moment donné, ils rêvent, ils font un cauchemar, puis là, et ils rêvent qu'ils sont dans le port de l'île et que là, il y a des monstres qui ressortent de l'eau. Et finalement, ces monstres-là, c'est les voisins. Donc, c'est les grosses têtes de Mi qui sortent de l'eau. Puis, tu sais pas trop, ça rime à quoi. Fait que, moi, personnellement, c'est un humour assez bizarre que j'ai trouvé dans Tomodachi Life. C'est un humour que j'ai pas trop compris non plus. Je sais qu'il y en a qui... En tout cas, c'est vraiment pas très japonais. Là. C'est un peu comme The Wonderful 101, là, où ce que ouais, c'était comme... Oh, ben là, c'est supposé être drôle, ça. Ben, mais, c'est éclaté. Mais c'est ça. C'est pas nord-américain. C'est vraiment asiatique. Comme... C'est très asiatique. T'sais, mais ça veut pas dire que c'est pas nécessairement bon. Mais par bout, c'est juste... La culture est pas pareille. Là. Non, c'est ça. C'est juste... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus étrange que drôle. Donc, comme je dis, est-ce que Tomodachi Life, c'est un mauvais jeu? Je pense pas. J'ai vu des qualités, je pense que je vous l'ai dit. Il y a certains éléments qui sont accrocheurs. Mais moi, personnellement, c'est pas un jeu qui me convient. C'est pas un jeu auquel j'ai accroché. Puis le problème aussi que j'ai... En tout cas... que j'ai vécu avec ce jeu-là, c'est que plus le jeu avançait, plus les Mi avaient l'air d'avoir du fun et plus moi je m'ennuyais. Fait que, tu sais, je dirais que mon niveau de plaisir est inversement proportionnel à celui des Mi. Ben, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils se nourrissent de ton déplaisir. Ah, ça se peut. Ah, dans le fond, OK. Ils absorbent mes énergies négatives. C'est ça. C'est ça. Un genre de vampire à émotions négatives. Bon, ben, je vais retourner dans le jeu, puis... Si jamais vous me voyez à l'hôpital psychiatrique en dépression majeure, ben vous saurez pourquoi. C'est à cause de Tomodachi Life. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que moi ça m'a pas convenu. C'est pour ça que moi je lui mets la note de 6 sur 10. Probablement que ceux qui apprécient plus les jeux de simulation à l'Animal Crossing, à The Sims, vont plus apprécier que moi. C'est pas un jeu qui est très cher. Je pense qu'il est une quinzaine de dollars, ce qui est pas trop dispendieux pour le temps que vous pouvez y mettre si vous accrochez à ce genre d'expérience-là. Mais personnellement, j'ai beaucoup plus trouvé que ce jeu-là s'alliait au goût de ma blonde, par exemple, qu'au mien. Donc, tu sais, si vous avez une femme à la maison ou quelqu'un qui apprécie les tycoons, ben, en tout cas, jetez un œil sur Tomodachi Life, ça peut valoir la peine. Mais je vous le dis, si vous aimez pas créer des Mi, oubliez ça dès le départ. Là, vous allez l'éteindre puis vous allez regretter l'argent que vous allez avoir investi. Une question comme ça, y est-tu en français? Oui, si ma mémoire est... non, il n'est pas en français. Okay. Je pense pas qu'il est en français. Okay. Effectivement. D'ailleurs, si vous voulez, on parlait de l'étrangeté. Là. Moi, j'ai pas trop d'imagination quand il faut créer des personnages. Fait que j'ai créé ma famille. Sauf que là, ça commençait à être bizarre quand j'ai vu que moi, donc mon Mi, commencé à être en amour avec le mi de ma mère. En tout cas, je suis pas nécessairement un fan d'inceste, là, mais c'est ça. J'espère que t'es pas un fan de ça. Non, vraiment pas. Mais tu sais, je trouvais ça weird un peu, tu sais. Fait que bref, c'est des situations comme ça que vous pouvez retrouver dans Tomodachi Life. Non, fait que voilà. OK. Fait que, on a eu un bon jeu, puis un jeu assez moyen. Puis ça prend toutes sortes de jeux, puis je suis sûr qu'il y a du monde qui vont passer leur année à jouer à Tomodachi Life. Si c'est le genre de jeu qui te font triper pour 15$, je veux dire, c'est pas pire. C'est merveilleux. Hein? C'est pas pire. Sinon, pour 15$, t'as le jeu que j'ai joué aussi. Ouais, effectivement. Qui est Max in the Curse of Brotherhood, mais ça vous prend un Xbox, soit 360 ou un PC pour le jouer. Un PC, ouais. Mais non, comme je dis, tu sais, c'est malheureux parce que c'est pas un jeu que moi j'aurais dû tester, tu sais. Je suis content de l'avoir fait parce que chaque jeu qu'on teste, qu'il soit bon ou pas, tu sais, ça rentre dans notre bagage. Ça nous permet d'avoir un esprit plus critique. Mais ça... en tout cas, j'aurais pu passer par-dessus, mettons. T'aurais dû le faire tester par ta blonde? Ah, elle va s'y mettre. Elle va s'y mettre, surtout depuis que c'est Christina Aguilera qui fait la promotion du jeu aux États-Unis. Elle va s'y mettre. OK, merci. C'est au moins ça de bon. Yes! Fait que c'est ça qui conclut, en fait, nos chroniques et pas mal le show, un petit peu plus court que d'habitude, mais bon. On est juste deux. Fait que on est juste deux. On a fait ça, tu sais, concis et droit au but, tu sais, pas de JB, pas de niaisage. Nous autres, on fait ça, tu sais, comme des professionnels. Ben, JB a préféré ses boîtes à nous, tu sais. Ouais, mais tu sais, je peux le comprendre. Ah ouais, pas moi. Une boîte, c'est tellement plus le fun que nous autres. Moi, j'avoue, tu te mets une boîte sur la tête, tu peux avoir des heures de plaisir avec ça. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est con, si tu regardes les chats, c'est ça. Et plaisir infini. Moi, mon chat, je le sais que des fois, il se regarde la queue, puis maudit qu'il a l'air d'avoir du fun. Ouais. Chat, il... Tu sais, quand il se tourne la tête, là, puis il regarde sa queue, puis il fait comme, oh, mais ouais. Qu'est-ce que c'est ça que j'ai là? Ouais, c'est ça. Hey, c'est quoi qui me suit depuis tout à l'heure? C'est ça. Ouais. Puis là, il pète des bulles. Là. Je sais pas, il pète des bulles, puis il court dans le vide. Ouais, peut-être que JB est en train de faire ça avec ses boys chez eux. On sait pas. Je pensais que t'allais dire courir après d'autres choses. Non, non. On va s'arrêter là. Garde ça propre. Oui, c'est ça. Luc, où c'est qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Calazormo. Vous pouvez aussi m'écouter sur un autre podcast qui est le podcast auto où JB ne sera plus là non plus pour l'été. Il prend congé, qu'est-ce que tu veux, quand t'as pas de cœur et tu te fous de tes amis. Non, c'est pas vrai. Il veut passer plus de temps avec sa conjointe, ce qui est bien correct. Fait que je reprends les rênes de ce show-là. Donc, podcast auto, une émission par semaine sur un peu partout. Vous trouverez ça sur iTunes ou sur le site podcastauto.ca. Puis vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji tous les jeudis un nouvel article. C'est fr.kijijiblog.com. Puis toi, Dan? Ah, moi, on me retrouve tellement sur tellement d'affaires que même moi, je sais plus où me retrouver. Mais je vais vous dire sur certains portails où vous pouvez me retrouver. En fait, j'écris pour 3 portails différents, affairesdegars.com. J'écris aussi sur épéelégendaire.com et sur m2gaming.ca. Et évidemment, la façon la plus facile de me rejoindre, c'est via Twitter @DracoADG. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Tu sais, puis j'aime ça savoir, tu sais, quand le monde m'ajoute où ils ont entendu parler de moi, tu sais, c'est via le podcast, via mes articles, tout. J'aime ça savoir d'où les gens me connaissent. Fait que si jamais c'est le cas, ben écrivez-moi puis dites-moi, hey, je t'ai entendu sur le podcast, puis t'étais vraiment nul, mais j'ai décidé d'avoir pitié puis de t'ajouter. Fait que ça me fait toujours plaisir. Sinon, au niveau du show, ben écoutez, on a une page Facebook, Réalité Augmentée, page Facebook que plusieurs adeptes, plusieurs nouveaux adeptes depuis un certain temps. Ouais, ça commence à monter. C'est Réalité Hug. Twitter, Réalité Hug. Puis on a aussi le nouveau courriel, on a changé. C'est Réalité Hug @Outlook.com. Ouais. Plus facile. On a-tu reçu des courriels? Je sais pas, c'est JB qui garde le contrôle du compte et Twitter et du courriel, donc je n'ai aucune idée. mais Facebook, ça, on a tout accès à poster là-dessus. Fait que si vous voulez nous écrire là-dessus, on va vous. Normalement, on répond quand on voit les messages passer. On va aller discuter avec vous. C'est très bien. On est aussi sur YouTube. Cherchez mon canal YouTube, soit Luc Desormeaux. Ou chercher, je sais pas si vous cherchez Réalité Augmentée, si ça va sortir, mais je mets les émissions sur YouTube maintenant avec, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas nos faces, je mets le logo du Réalité Augmentée, puis je mets l'audio en arrière, donc si vous voulez aller écouter ça à travers YouTube, vous pouvez le faire aussi, c'est disponible à chaque émission, là, depuis deux, trois émissions, là, je commence à faire ça. Ben, ça se trouve sur YouTube si tu tapes Réalité Augmentée. Le problème, c'est que c'est caché en dessous de bien d'autres vidéos de Réalité Augmentée. De la vraie Réalité Augmentée. C'est ça. Pas un show qui fait juste semblant d'en parler. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est possible de trouver. Sinon, on fait partie de plusieurs regroupements de podcasts. On est bien contents. Il y a entre autres RZO. Donc, on fait partie de la belle famille de RZO. Il y a aussi H2O. Il y a. Ouais, il y a ça. Podcast France, Parlons Balado, donc et aussi la belle gang de la zone technoculturelle où vous pouvez aussi retrouver le show à chaque semaine. Donc, merci à tous ceux qui nous ont accueillis dans leur famille. On apprécie. Non, on est arrivé d'être partout. Là. Ça, donc, on va être bientôt, on va être plus dur à éviter qu'à trouver. Mon Dieu, que je suis plein de monde. Ouais, c'est qu'on est rendu. Ben écoutez, c'est ça qui met fin au show de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, même si l'animateur habituel n'était pas là. Non, t'as fait une bonne job. Ah, merci. On a commencé à penser remplacer JB par toi. Ça va être cool. Je suis sûr qu'il va apprécier. Ah, moi aussi. Fait que, écoutez, on se dit à une prochaine fois. Puis sur ça, beaucoup de jeux, beaucoup de films, beaucoup de réalité augmentée dans vos petites vies. Et on se dit à la prochaine. Salut! Bye!